Tu as été favorable à ton pays. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, couvert tous leurs péchés. Relève-nous. L'amour et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité.